Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival du Bleuet à toute la population de Dolbeau-Mistassini et invite les gens à participer du même coup à ce grand festival. Et félicitations aux organisateurs. Vous désirez vous évader au cœur de la nature, vous endormir au pied des chutes, en couple ou en famille, et ce, avec tous les services compris? Visitez lechutealour.com et découvrez le site touristique de la Chute à Lourdes, notre camping nature au cœur du lac Saint-Jean. Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, M. Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population de Dolbeau-Mistassini et des alentours un bon festival du Bleuet et félicite les nombreux bénévoles qui rendent possible l'événement. M. Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles de piscine et autres marchandises estivales. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Elle a surpris pas mal de monde vendredi au Marathon de la Relève. Gabrielle Savard de Dolbeau-Mistassini a remporté l'épreuve 10 km final. Question de savoir un peu comment elle se sent trois jours après avoir remporté l'épreuve. On lui parle. Salut, Gabrielle. Allô? Gabrielle, vraiment, est-ce que tu t'attendais vraiment à remporter une victoire? Est-ce que tu pensais vraiment que tu étais dans une bonne condition pour remporter? Es-tu surpris? Oui, ben en fait, c'était le marathon de la relève en l'année passée. Qu'est-ce que je m'attendais, mais qu'est-ce que j'espérais plus, là? Oui. C'est sûr que c'est mon objectif principal, c'était d'arriver puis de gagner, en fait. OK. Mais je me sentais prête, puis je m'étais beaucoup entraînée pour ça, justement. OK. Est-ce que c'était des conditions optimales, là, vraiment? Là, on pouvait pas espérer mieux pour les nageurs. Là. Il faisait chaud, il faisait beau. C'était incroyable pour les nageurs, là. Il y a quand même eu beaucoup de vagues, en fait. OK. Il s'est levé vraiment à la mi-course, là. OK. Puis c'est ce qui explique un peu les temps qui étaient pas super rapides. Il y a beaucoup de vagues qui ont joué dans la vitesse de la course. Puis aussi, l'eau était pas super chaude, elle était à la limite du wetsuit. Mais pour moi, c'est plus un avantage vu que je suis quand même habituée de nager dans les lacs. Là. OK. Mais effectivement, comparativement aux autres, j'imagine aussi, là, tu étais plus avantagé là-dessus. Ouais, c'est ça. OK. Bien, c'est sûr qu'en habitant ici, ben j'ai plus l'occasion de nager dans le lac Saint-Jean que lui. Là. Ça fait une grosse différence. Ça te motive-tu à faire de la grosse dans ce temps-là? Ouais, c'est certain que c'est dans mes objectifs. Là. D'ici deux ans, ça serait si tout va bien, je pense que ça va arriver dans deux ans. OK. Évidemment, c'est une préparation. Ça demandait une préparation spéciale pour courir 10 km. Je sais que tu t'entraînes au niveau universitaire aussi. Non. Ben, non. En fait, je suis encore au cégep. OK. Mais je viens de terminer ma première année de cégep, mais je m'entraîne avec le Rouge et Or de l'Université Laval, mais ouais. Du côté civil. OK, du côté civil. Puis, tu as fait des compétitions aussi. J'imagine, mais c'est pas du tout la même préparation quand on nage à l'extérieur et nager dans les piscines. Non, pas du tout, mais quand même, la majeure partie de l'entraînement se fait quand même dans la piscine. C'est plus que l'entraînement est différent, qu'on s'entraîne plus de village pour se préparer pour les plus grosses distances. OK. Donc, comment ça va ta saison? Évidemment, tu as remporté une belle victoire, vraiment. Mais dans l'ensemble, tu es allé à Saint-Thomas, tu vas faire le lac Mégantic. Donc, es-tu satisfaite de ta saison? C'est sûr qu'après une victoire, on est toujours satisfaite, mais dans l'ensemble. oui, je suis satisfaite. En fait, les courses que j'ai faites cet été, ils font partie d'un circuit. Oui. Le circuit, j'avais participé l'année passée aussi. J'avais terminé troisième. Okay. Mon objectif cette année, c'était de le gagner. Okay. C'est un circuit qui est organisé par la Fédération de natation du Québec. Puis là, ben présentement, je suis encore en première position. Puis il reste une épreuve qui est Lac-Mégantic. Il y en avait cinq cette année. OK. Donc, évidemment, mais... Puis là, après ça, c'est quoi l'étape? Comment tu te vois dans l'avenir? Tu m'as dit dans deux ans, j'aimerais ça. Est-ce que l'an prochain, ça va être le même circuit un peu? Ou... Probablement que l'année prochaine, je vais essayer le 15 km au marathon de la 4e. OK. J'aimerais ça aussi commencer les courses finales, comme le 10 km qui avait eu lieu jeudi passé. Ouais. Puis dans 2 ans, ben c'est sûr, j'aimerais ça faire comme la traversée avant la fin de mon cégep. Là, c'est qu'il me reste 2 ans, c'est que c'est ça mon objectif quand même. Ben, c'est sûr que c'est quand même un objectif assez réalisable puis assez réaliste. Dis-moi, du côté du Rouge et Or, tu t'entraînes au niveau civil. Comment ça va à Québec là, aussi? T'as-tu connu une belle saison? Oui, j'ai connu. Ben, en fait, j'ai été quand même assez surprise. Je pensais que l'adaptation allait être plus difficile, mais j'ai vraiment eu une bonne saison là, dans le fait d'avoir déménagé, puis changé de club, commencer le cégep aussi, que j'étais vraiment satisfaite de ce côté-là. Là, je pensais pas que ça allait aller aussi vite, mettons. Le fait que tu es à Québec, est-ce que ça l'aide la progression de Gabriel Savard? Oui, c'est certain. Là, c'est pas le même genre d'entraînement. Premièrement, on s'entraîne beaucoup plus. Okay. Deuxièmement, j'ai plus de challenge à l'entraînement. J'ai des gens qui me poussent beaucoup plus que quand je m'entraînais ici, parce qu'il y a du monde qui sont meilleurs que moi là-bas aussi. Là. Mm. Fait que c'est sûr que ça pousse beaucoup dans l'entraînement. Ça facilite l'entraînement. Puis c'est aussi, j'ai augmenté à peu près de 6 à 8 heures mon nombre d'entraînement par semaine. Ah, ben là, c'est sûr que ça l'aide aussi. Là. Ben, Gabriel, on va te souhaiter une dernière course, c'est au lac Mégantic? Oui, exactement. Donc, j'imagine que c'est... Est-ce que tu as vraiment des chances? Est-ce que tu es en bonne première position ou encore rien n'est joué pour cette course-là? Ben, en fait, c'est pas mal sûr que je gagne le circuit, parce que chaque épreuve, il y a un maximum de 40 points qu'on peut aller chercher en gagnant l'épreuve. Okay. Et présentement, j'ai plus que 40 points d'avance. Ah, OK. Donc, ça prendrait une catastrophe. Même si je participe... Ben, en fait, même si je participais pas, je pense que le circuit est déjà gagné, parce que j'ai plus que 40 points d'avance présentement. Donc, c'est impossible de me faire dépasser. Parce que le maximum qu'on peut aller chercher dans une épreuve, c'est 40 points. Donc le lac Saint-Jean de toutes les épreuves, est-ce que c'est la plus dure? Je dirais que oui. Ben, premièrement, c'est la plus longue. Là, dans les épreuves qu'il y a dans le circuit cette année, c'est les seuls 10 km. Après ça, c'est des 7 puis des 5 km. Il y avait également 2 km. Mais faut dire que les conditions sont toujours plus difficiles dans le lac Saint-Jean. Là. L'eau est toujours plus froide, puis surtout, je dirais que la vague, c'est pas pareil dans les autres lacs. Là. Ben non. Ben, je parlais avec Xavier Dernay la semaine passée, puis Xavier me disait, regarde, il y a 1 kilomètre que ça peut bien aller, puis par la suite, les conditions changent complètement. Ouais, ça change complètement, puis là, on doit ajouter notre stratégie en conséquence. Mégantic, c'est-tu dur? C'est-tu... Mégantic, c'est un 7 km, mais okay. C'est dans un circuit de... Il me semble que c'est un circuit de 1 km, donc c'est 7 tours. Mais l'année passée, ça avait super bien été. J'avais vraiment trouvé que c'était une belle course. Puis le lac, il est quand même assez... Il était assez chaud, puis assez clément, je dirais, là, fait que... Okay. Ça me stresse pas trop pour la prochaine. Là. Ben, Gabriel, on va te souhaiter la meilleure des chances. Bravo pour ta victoire, bravo pour ta saison. Puis au plaisir de se reparler, puis j'aimerais ça que tu me donnes des résultats cet hiver. Parfait, merci. Voilà, donc Gabriel Savard de Dolbeau Mistassini, une jeune athlète qui a remporté le marathon de la relève vendredi et qui est en tête du championnat.